Témoignage de Monsieur Bourguignon Louis, né en 1908 à Celles, résident Celles, plafonneur. Ce témoignage a été recueilli au mois de juin 1980 par Messieurs Dechaine et Mikkels. Quel ennui. 1908. Charles à Celles. Oui. Et vous vous nommez Bourguignon. Bourguignon Louis. Ah ouais. Et vous restez, dis-moi ce papa, vous restez Cellois, vous, on dit Cellois, Charles. Celles. Ça se trouve seul, mais après fusion, c'est ferme. C'est ferme. Et votre papa est né à Celles aussi? Non, à Borley. Et votre maman? Et maman Celles. À Celles. Et votre papa est plafonneur? Plafonneur, oui. Donc c'est un... De père en fils. De père en fils. Ah. Donc, mes papas, l'entrepreneur plafonneur, donc, déjà dans la guerre des quatre faces. Mm-hmm. C'est ça. Donc... Je vous ai dit, il fait aussi plafonneur, mais c'est ce non, que le gosse. Non, c'est... Tu peux pas dire, tu vois. Donc, c'est que... À ce moment-là, on avait que 2 ans, on savait déjà bien son IRS comme moyenne ou son frère plafonneur, comme ses papas, comme les cultivateurs. J'avais l'idée de faire plafonneur. Donc, vous avez fait au primaire Charles, et oui. Puis vous n'avez plus rien fait. Non, j'ai fait plafonneur gamin, avec mon papa et des ouvriers. Et mon papa travaille jusqu'en 40. Et vous attaquez par quoi, vous, papa? Vous avez attaqué par quoi? Comme manœuvre. Comme manœuvre. Comme manœuvre. C'est-à-dire, il fallait faire quoi? Ah, il fallait faire quoi? Il fallait faire des moertis traditionnels, comme on fait la passa. Donc, hein, chercher les ouvriers. Et... Même si à l'école, gotte, on buvait à ce moment-là. Quelle gotte pour donner à Zorie? Oui, mais tu n'es pas un ou tu es un enfant ou deux à l'école de Péquet. Oui, un café. Oh, où est-ce qu'on peut aller dans les magasins? Ah, donc, c'est le matin comme, les, comme l'après-midi, c'est pas qu'on buvait. Qu'on avait une idée, surtout le lundi. On buvait quand même ce saut, il n'y fallait que le lundi. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Et vous dites qu'il bat le verre quand vous venez, par exemple. Qu'il bat le verre. Oh, c'est honteux, vous allez quoi encore de l'état, vous buvez, ordinez un peu, hein. Ah, il fallait aller la mercredi. Ah, depuis qu'il y en a 2 coups, c'est un jour. Mais n'est pas dit, hein. C'est une grande entreprise, vous papa. Non, une petite deux. Non. 2-3 ouvriers comme mes. Et on fait quoi comme invention? C'est le plafonneur. C'est... Plafonneur, c'est maintenu. Ça veut dire qu'en campagne, on a venu tant d'ouvrettes, on devait faire les deux, si vous voulez. On fait des façades. Des façades, oui. Rejoint foyer. Oui, c'est maintenu surtout. Cimenter, c'est-à-dire enlever les briques et remettre des... Non, non, après des plafonds, des façades cimentaires, non. Ah oui, c'est ça. Oui, des belles façades, mais ou des moulures et des tafles, tout ce qu'on veut dire, des sous-seuils, des fleurs, des, comme des pires, on imitait des pires, vous le savez. Ou bien des blocs, quoi, on fait comme des blocs sur oui, le... Oui, comme l'unis, c'est tout des blocs, ah oui. C'est ça. Oui. Et est-ce qu'on fait aussi des tiestés? Oui, on fait un couteau. On avait fait, Charles, le pays d'Espagne. Des réparations, enfin, qu'on fait, non? Oui. On doit les tiestés, Charles, aux alentours. C'est ainsi dit qu'à ce moment-là, depuis mon papa de la guerre de 40, on avait des tiestés en main. Donc, on avait chaque région. Non? Et quand je suis bien côté, on fait la fête de Chester, à Wallef, à Enef, à Cerf, à Longchon. Et on arrive tout seul, vous chérez? Ah, tout seul, non. En coup de, ah ouais, ça dépend. Le vrai, qui n'a pas fait. Et Chester, vous borsez, vous l'avez fait? Non. Non, non, c'est tout cher. Oui. Oui. Et on fait des belles motifs là-dedans, là, les tiestés. Bien souvent, ils estiment déjà faits. Ah, c'est plutôt réparé. une sorte que quand j'étais haute l'humidité ou qu'on transformait, on fait des non ces chestes là, sont encore plus anciens que cela. Et c'est ton envie de réparer cela? Ah non, c'est que ton métier. On peut les deux là, je vais voler à ce moment-là, oui. À ce moment-là, il sort un peu parce qu'on ne fait peu. Donc, l'ouvrir, la main est faite, et la sort, il peut faire. Il n'a jamais à ce temps après, la sort, il peut faire, non. Tandis que mon papa, là, il travaille, il veut tout de bien, j'en ai déjà dit, lui, ça veut faire tout ça. Donc, vous apportez une mortier à on dirait que c'était sur le sol rare. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est déjà faux, déjà, oui. Et alors, vous avez un petit peu. Ça se fait bien, c'est. Comme escole. Au bout de vous appris, vraiment comme escole. Au bout de deux, trois ans, on dit, on joue, on oublie, et on continue. Et après cela, vous avez un compte. J'ai attaqué un compte en 40 ans. J'ai été mobilisé en 39. En 40, on a fallu refaire. Mon papa a cessé, il a rattaqué, il a continué plutôt en 40 ans. Parce qu'il a eu de la pension. Et il a fait un bar pendant la guerre. Pendant la guerre? Ah. J'avais le côté de la vraie parce que c'est une contrée de culture. Les cultivateurs gagnent des sons et travaillent. Tandis que devant la vie, ça n'existait peu. Mais il a été bien contre la vraie après la guerre. Non, on a vu détruire devant la vie. Ou les robots, le bec ou à réparer, non? Ça, c'est toute saison, il a 45, 46, 47, qui n'a plus d'ouvrage comme plafonnage. J'ai juste travaillé à eux aussi, à la maison Bata, qui les propriétaires, c'est un navou, donc, de Hollande se gère. Hein. Il a trouvé un morceau, là. Des fils? Donc nous y allions, nous autres, pour propriétaires, qui nous travaillent pour gel, c'est des grosses insiches, les fabriques navaux, là, tout ça. C'est pire l'air, hein? Les locataires, c'est pire l'eau qu'avait Marie fait un navo, qu'occupait les maisons Batala, qui c'est où il était les fériques, là, tout ça. Non? Ça. Donc les agriculteurs, c'est ainsi, ils payaient bien les gens, les plafonnures, hein, oui. Mais c'est tout seulement une feuille par an. À ce moment-là, c'est plus ou moins tous les gros, une fille par an. Ils n'avaient pas les ouvriers, les petits comptes surtout, ils payaient au fur et à mesure. Mais les gros, c'est une fille par an. Hein. Et on a vraiment réclamé, on a payé plus régulièrement. Non, mais ça s'est perdu après la guerre, vous savez, ça s'est surtout d'éteindre mon papa, ça. Mais ça s'est perdu, enfin, ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour vous, les 16, aussi des plafonnages? Oui, des taux. D'éteindre la guerre, c'était surtout des citernes purins, des stores. Parce qu'il fallait les autoriser par les Allemands. Pour? Pour avoir des semaines, il fallait avoir des bons, dans Saint-Cy, qui font des silos de pulpe, comme on fait, de 20 ans. Et des citernes purins, tout ça. Et on fait que dans les citernes purins? Tu peux cimenter, enfin. Cimenter. Tu peux cimenter, nous autres. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas failli? Non. Il y a tout de suite. Aïe, aïe, aïe, dit avant la guerre. Après la guerre, il aurait fallu voir les couilles qui l'ont bien sûr là, non? Abominable. Ah oui, ah oui. Et on va aller, bramer plus vite, bon, c'est bramer plus de vrai, non? Ah oui, et pour ceux qui venaient rater une sacrée, c'est plus agréable, hein? Quand il a vu, lui, il n'avait plus que des rétons. Il mettait à longueur, il mettait le soleil sur les bouches, il y a deux costilles. Non, il y a tout aussi, c'est tout l'herbe là, côté. Mais il y a tout aussi. Nous n'avons pas de vie dans le côté, on n'a pas de vie là, tout le devant. Mais il y a tout aussi devant une grande pète, puisqu'on t'a dit, il y a tout l'étranger, il y a des mi. Eh bien, il y a des scopes là. Quand les grues passent, c'est tout des grues, Adam. Ce qui me gêne, il y a des fêtes sur le côté par les grues. Et il y a des fêtes pas qu'à l'an, quand il y avait roi, il mettait des numéros à couleur là-dessus. Donc on s'est tu par numéro, il savait bien qu'on tel numéro c'est tu pour un tel, qu'on tel numéro c'est tu pour une autre. Donc, et j'avais pas que faire, parce qu'il allait chercher les camions. C'est tu mis à l'eau qui chercher les camions à vous une autre. Mais mon homme me dit qu'il peut chercher les camions parce qu'il avait 20 tours et ça allait bien enfin. Donc je me suis dit, j'ai eu besoin pour avoir 6 heures d'ouvrir, quand j'ai eu ma tour, il me plaît bien. Témoignage de M. Bourguignon-Louis, né en 1908 à Celles, résident Celles, plafonneur. Ce témoignage a été recueilli au mois de juin 1980 par M. Dechaine et Mikkels. Quel nom est-il ? 1908. Charles à Celles. Oui. Et vous vous nommez Bourguignon ? Bourguignon-Louis, ah oui. Et vous êtes, dis-moi ce papa, vous êtes Sellois ou des Sellois, Charles? Sell, c'est tout Sell, mais après fusion, c'est ferme. C'est ferme. Et votre papa est né à Sell aussi? Non, à Borley. Et votre maman? Et maman Sell. À Sell. Et votre papa est plafonneur? Plafonneur, oui. Donc c'est De père en fils. De père en fils. Ah. Ah. Mais papa, l'entrepreneur plafonneux, donc, déjà devant la guerre des quatre faces. Mm-hmm. C'est ça. Donc, je vous ai dit, il fait aussi plafonneux, ou c'est ce que vous avez le gosse? Non, c'est pour quoi, on dit vous. Hein. Donc, c'est à ce moment-là, on avait que besoin, on savait déjà bien, sans y avoir l'école moyenne ou sans faire le plafonneux, comme c'est papa, comme le cultivateur. J'avais eu l'idée de faire le plafonneux. Donc vous avez fait au primaire Charles, et oui. Puis vous n'avez plus rien fait. Non, j'ai fait le plafonneux gamin, avec mon papa et des ouvriers. Et mon papa travaille jusqu'en 40. Et vous attaquez par quoi, vous papa? Vous avez attaqué par quoi? Comme manœuvre. Comme manœuvre. Comme manœuvre. C'est-à-dire, il fallait faire quoi? Ah, il fallait faire quoi? Il fallait faire des moyens traditionnels comme on fait la passade. J'avais les ouvriers, même ils y allaient quoi le gotte. On buvait à ce moment-là. Quoi le gotte pour donner à ouvriers. Ah, oui, mais t'y naissons, ou t'as su, d'un enfant ou deux, aller couler des péqués. Un café. Ah, où ce qu'on peut, ou dans les magasins. Ah, donc c'est le matin comme, comme l'après-midi, c'est pas convivial. Qu'on a une idée, surtout le lundi. On buvait le cabus de saut, il nous fallait le lendemain. Et on dit qu'il bien le verre pour prendre une bonnet, par exemple. Qu'il bien le verre. Oh, si on t'a su, vous allez pouvoir encore des litres, on buvait, de ce qu'on dînait, ça veut peu. Hein. Ah, il fallait aller la mercredi. Hein. Ah, depuis qu'il y en a deux pour le monde. Mais attendez. Hein. C'est une grande entreprise, n'est-ce pas? Non, une petite deux, non. Deux, trois ouvriers comme mes. Et on dit quoi comme invention? C'est le plafonneur. Le plafonneur, c'est maintenu. Je vous dis qu'à la campagne, on a venu tant d'ouvriers, on devait payer les deux, si vous voulez. On fait des façades. Des façades, oui. On fait un joint-foyer. Oui, c'est maintenu surtout. C'est-à-dire enlever les briques et remettre des... Non, non, après des plafonds, des façades, c'est maintenant, non. Ah oui, c'est ça. Oui, des belles façades, mais ou des moulures,